cache tes larmes. Nous nous reverrons bientôt. Angelina, ciao amore, attends-moi. Angelina, ciao amore, serre-moi. Pourquoi triste, on ne peut plus rien changer. L'heure s'envole, le temps passe, mais mon cœur reste avec toi. Angelina, je reviendrai, oui crois-moi. Là-bas sur la mer m'attend mon bateau. Il m'emmène au loin, tout au gré des flots. Un pêcheur fredonne ce joli refrain. Notre histoire d'amour, bonheur de toujours. Angelina, ciao amore, je m'en vais. Ne pleure pas, ton chagrin me fait souffrir. Angelina, sèche tes larmes, nous nous reverrons bientôt. Angelina, ciao amore, attends-moi. Danse la dernière danse, bientôt le départ. Mer et solitude, pour moi le hasard. Quoi qu'on pense ou dise, c'est ainsi l'amour. Que se réalise ainsi nos rêves. Angelina, ciao amore, je m'en vais. Ne pleure pas, ton chagrin me fait souffrir. Angelina, sèche tes larmes, nous nous reverrons bientôt. Angelina, ciao amore, au revoir. Angelina, ciao amore, au revoir. Angelina, ciao.